dépasse les canons, fume en du plastique. Et quand je regarde le ciel, je suis navire et bien triste. J'ai les cheveux longs et sales qui portent en gris. Robe sans coupe, personne ne m'aime, personne ne m'aide. Mais les médias, j'ai un portable sans creuse. Comme le lady, comment concevoir mon futur caché dans une poubelle. Je sens la shit et la musique de leur bled qui me font pousser des ailes. Je voyage au-dessus des blocs raides. Je comprends que je ne suis plus solitaire. Que moi n'arrive pas à anticiper l'hiver. J'ai rien à apprendre, tout ça comprendre, faut pas s'y méprendre. Mais je passe ma vie à m'étendre, à me détendre, m'étendre sur des sujets hors de temps, hors de mon budget. Dès qu'à part sortir de mon buffet, froid comme un dimanche, découpé en siestes. L'homme et l'homme obsède, pour l'instant présent tout bête. L'avenir m'angoisse, ma mescapousse, elle me donne la froid. L'avenir m'obsède, mon instant présent est obèse. Mais l'avenir m'angoisse, ma mescapousse, elle me donne la froisse. Qu'est-ce que le monde est beau quand rien gueule, on est beau. Quand je baise avec ce beau, que je me saoule avec les poteaux. Mais le monde est beau en fait, quand je chante après un pet. Quand je danse sous en fait, quand j'écris sous champi. Qu'est-ce que le monde est beau quand j'en gueule mon micro. Quand je baise avec ce beau, que je me saoule avec mes poteaux. Mais le monde est beau en fait, quand je chante après un pet. Quand je danse sous en fait, quand j'écris sous champi. Ok, oui, je suis à fond, je vous aime.